laissez-moi. Rien que ce soir, que je puisse lui dire au revoir. Que je la voie une dernière fois, avant que ça soit fini pour moi. Vous m'emportez, vous me volez ma vie, pour me faire disparaître dans l'oubli. Je veux pas passer devant le juge. Je connais déjà la sentence. Quoi que je dise, une chose est sûre, jamais vous ne me laisserez ma chance. Je n'ai désormais plus d'espoir. La nuit laisse place au désespoir. Il est bientôt temps. Je le crie, je suis innocent. Vos sens m'ignorent devant ce mur. Les yeux cachés, je ne vous vois pas. La peur m'emporte vers l'obscur. Je vais m'en aller pour toujours. Il vous suffit juste de tirer. Mais je vous retrouverai un jour. Ah, c'est ma prière de condamné. Ah, c'est ma prière de condamné.